السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله، وخير الهدي هدي نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، فنواصل قراءتنا لبعض الأحاديث التي ذكره الإمام يحيى ابن شرف النووي رحمه الله في كتابه رياض الصالحين باب الاستغفار وفضله. Donc nous continuons la lecture de certains hadiths cités par l'imam al-Nawawi رحمه الله dans son livre رياض الصالحين chapitre La demande de pardon. Donc l'auteur رحمه الله nous dit: d'après Ibn Omar, radiallahu anhuma, qu'Allah les agrée, qui a dit: nous comptions pour le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam dans une seule assise 100 fois la parole Rabbi, Rabbi ghfirli wa tub alayya innaka anta tawwabur rahim. Seigneur, pardonne-moi et accepte mon repentir, tu es certes le grand accueillant au repentir, le très miséricordieux. Nous comptions pour le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam dans une seule assise 100 fois la parole Seigneur, pardonne-moi et accepte mon repentir, Rabbi ghfirli wa tub alayya, tu es certes le grand accueillant au repentir, le très miséricordieux. Rapporté par Abu Daoud et Tirmidhi. Donc ce hadith est proche de celui qui a précédé, dans lequel le prophète sallallahu alayhi wa sallam disait qu'il demandait à Allah subhanahu wa ta'ala dans la journée pardon plus de 70 fois. Donc le prophète sallallahu alayhi wa sallam, celui à qui ses péchés passés et futurs ont été pardonnés sallallahu alayhi wa sallam. Inni astaghfirullah wa atubu ilayhi fil yawm akthar min 70 marra. Donc certes, j'implore le pardon d'Allah et je me repens à lui dans la journée plus de 70 fois. Donc ce hadith qui était passé. Et ici encore plus, car Ibn Omar radiallahu anhuma nous informe qu'il comptait, qu'il dénombrait 100 formules de demande de pardon, non pas dans une journée, mais dans une seule assise. Donc dans le hadith précédent, filyaum, dans la journée. Ici, dans une seule assise, 100 fois, Rabbi ghfirli wa tub alayya innaka anta tawwabur rahim. Donc dans une seule assise. Donc cela montre que dans la journée, donc cela va être beaucoup plus que ça. Venant du prophète sallallahu alayhi wa sallam, kama zakarna, الذي غفر له ذنبه ما تقدم وما تأخر. Et nous avons aussi dans le hadith donc une autre forme de demande de pardon qui est de dire ici Rabbi ighfirli wa tub alayya. Donc nous avions astaghfirullah wa atubu ilayh, et ici Rabbi ighfirli wa tub alayya. Seigneur, pardonne-moi et accepte mon repentir. Innaka anta at-tawwabur rahim, tu es certes le grand accueillant au repentir, le très miséricordieux. Et nous avons aussi le fait donc d'intercéder auprès d'Allah subhanahu wa ta'ala à travers ses noms et attributs. Comme Allah azza wa jalla nous dit d'après l'essence du verset: وَلِلَّهِ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَى فَدْعُوهُ بِهَا. Et à Allah seul appartient les noms les plus beaux, invoquez-le donc par cela. Donc ici le fait d'intercéder et de demander à Allah subhanahu wa ta'ala à travers ses noms et attributs. Ici, يَقُولُ النَّبِي صلى الله عليه وسلم: Ô Seigneur, pardonne-moi et accepte mon repentir, tu es certes le Tawwab, le Rahim. Car tu es certes. Donc ici, le fait de demander à Allah subhanahu wa ta'ala à travers ses noms et attributs une des asbab pour que la vocation soit exaucée bi'idhnillahi tabaraka wa ta'ala. Tout comme nous avons aussi l'importance donc de l'évocation d'Allah subhanahu wa ta'ala dans toutes les assises. Donc ici dans le hadith, dans une assise. Donc, quelle que soit l'assise dans laquelle le croyant va être, donc il est important pour lui d'évoquer Allah subhanahu wa ta'ala constamment. Pour ne pas que cette assise, dont le nom d'Allah subhanahu wa ta'ala n'a pas été évoqué, soit une source de regret ou de châtiment, yawm al-qiyamah. Comme cela a été rapporté dans la parole du prophète sallallahu alayhi wa sallam qui a dit « Il n'y a pas un groupe de gens qui se réunissent dans une assise dans laquelle ils n'ont pas évoqué Allah ou n'ont pas prié sur le prophète sallallahu alayhi wa sallam sans que cela ne soit pour eux une source de regret le jour dernier. Si Allah veut, il leur pardonne et s'il veut, il les châtie. » Donc ici l'importance de constamment évoquer Allah subhanahu wa ta'ala, quelle que soit l'assise dans laquelle on se trouve, que cela soit une assise de science, que cela soit au travail, que cela soit pendant du commerce ou autre. Donc, et le fait que cela permette d'être préservé du regret et au mal qiyamah. Du regret premièrement, et aussi du châtiment. Donc le châtiment qui peut découler des péchés qu'on peut avoir dans cette assise-là, ou du mal qui a pu être dit dans cette assise-là. Mais le fait que la personne évoque Allah subhanahu wa ta'ala fait qu'elle soit bi'idhnillah préservée du regret et du châtiment d'Allah subhanahu wa ta'ala. S'il veut, il leur pardonne pour les péchés qui ont pu être dits dans cette assise, et s'il veut, il les châtie subhanahu wa ta'ala. Et dans une autre version du hadith, il a été dit, la parole du prophète sallallahu alayhi wa sallam, il n'y a pas un groupe de gens qui se lèvent d'une assise dans laquelle ils n'ont pas évoqué Allah azza wa jal, Allah le Très-Haut, sans qu'ils n'aient laissé derrière eux ce qui est comparable à un cadavre d'âne, et cela sera pour eux une source de regret. Donc, le croyant s'efforce de constamment évoquer Allah subhanahu wa ta'ala par la demande de pardon, al-istighfar, wa tawbah, le repentir, comme on l'a vu dans le hadith, et par les autres formes d'invocation qu'Allah subhanahu wa ta'ala aime et agrée, subhanallah, walhamdulillah, wallahu akbar, wa hakadha, comme était l'état du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Comme Aïcha radiallahu anha nous dit, à son sujet, elle nous dit, radiallahu anha, le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam invoquait Allah dans tout état. Donc dans tous ses états sallallahu alayhi wa sallam, il évoquait Allah subhanahu wa ta'ala. Le messager d'Allah subhanahu wa ta'ala évoquait Allah dans tout état. Et cela fait partie aussi donc des signes qui montrent l'immense ascétisme qu'avait le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam envers ce bas monde. Car le fait qu'il évoque constamment Allah subhanahu wa ta'ala montre son attachement à l'au-delà sallallahu alayhi wa sallam et son détachement à ce bas monde. Car comme il l'a dit sallallahu alayhi wa sallam, comme il a été rapporté de lui sa parole sallallahu alayhi wa sallam, le fait que je dise subhanallah walhamdulillah wallahu akbar est meilleur pour moi que ce bas monde et tout ce qu'il contient. Donc dans son évocation d'Allah subhanahu wa ta'ala, le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous pousse à al-raghba fil akhirah, et cela montre à nous pousse à l'envie d'accéder à l'au-delà et d'obtenir l'au-delà, et cela montre donc une forme d'ascétisme du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Naam. Puis l'auteur rahimahullah nous dit, d'après Ibn Abbas radiallahu anhuma, qu'Allah les agrée, le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam a dit: celui qui est constant dans la demande de pardon, Allah lui accorde une issue à toute situation difficile, un soulagement et une solution à chacun de ses soucis. Et il lui accorde sa subsistance de là où on ne s'y attend pas. Donc ici encore, un mérite immense quant au fait d'être constant et d'être assidu dans l'istighfar, la demande de pardon. Donc ici que le serviteur obtient par cela, en plus du pardon d'Allah subhanahu wa ta'ala de ses péchés, un soulagement de ses peines et ses soucis. Farajan likulli ham. Une issue à chaque situation difficile. Min kulli dayqin makhrajan. Et qu'il obtient sa subsistance de là où ne s'y attend pas. Et donc, parmi les versets allant dans ce sens, la parole d'Allah subhanahu wa ta'ala qui nous dit d'après l'essence du verset: wa man yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuquhu min haythu la yahtasib. Et quiconque craint Allah, ou bien quiconque fait preuve de piété, Allah lui accorde une issue favorable et lui accorde sa subsistance de là où il ne s'y attend pas. Et ici donc, celui qui fait preuve de piété dans le verset. Et il n'y a aucun doute que celui qui est constant dans l'istighfar, dans la demande de pardon, aura fait preuve de piété, aura fait preuve de piété. Puis l'auteur rahimahullah nous dit, d'après Ibn Mas'ud radiyallahu anhu, le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam a dit, quiconque dit Astaghfirullah alladhi la ilaha illa hu al-hayyul qayyum wa atubu ilayh, donc j'implore le pardon d'Allah, celui dont nulle divinité ne mérite l'adoration en dehors de lui, le vivant, celui qui subsiste par lui-même, et je me repens à lui. Il nous dit sallallahu alayhi wa sallam, ses péchés lui seront pardonnés même si il s'est enfui du combat. Walaw farra min az-zahf. Donc dans ce hadith, une autre forme de demande de pardon, Astaghfirullah alladhi la ilaha illa hu al-hayyul qayyum wa atubu ilayh. Donc une autre forme de demande de pardon et de repentir, donc qui est une forme aussi qui est immense ici, pour laquelle le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous cite que le croyant voit par cela, incha'Allah, tous ses péchés pardonnés, cela même s'il s'est enfui du combat. Walaw farra min az-zahf. À savoir que le fait de fuir pendant le combat face à l'ennemi fait partie des grands péchés, fait partie des péchés capitaux, les sept péchés capitaux que le messager sallallahu alayhi wa sallam a cités. Donc ici, on voit l'immense mérite de cette invocation-là, car la personne peut voir bi'idhnillahi tabaraka wa ta'ala ses péchés pardonnés, même si c'est un grand péché qu'elle a accompli. Donc ici, il n'y a pas de doute, donc il est important à chacun, ou pour chacun, d'apprendre cette invocation-là, et de la dire, en espérant qu'Allah subhanahu wa ta'ala l'accepte et accorde son pardon bi'idhnillahi tabaraka wa ta'ala. Car si Allah subhanahu wa ta'ala pardonne au serviteur, cela veut dire qu'il le préserve de son châtiment. Et si il le préserve de son châtiment, alors il ne reste que sa miséricorde subhanahu wa ta'ala et donc ses récompenses immenses qu'il a préparées pour ses serviteurs pieux subhanahu wa ta'ala. Ma la aynun ra'at wa la udhunun sami'at wa la khatar ala qalbi bashar. Ce que nul œil n'a vu, nul oreille n'a jamais entendu et qui n'est jamais passé à l'esprit d'un être humain. Puis l'auteur, rahimahullah, a cité après cela le hadith qui est Sayyid al-Istighfar, donc le meilleur ou celui qui est à la tête de l'Istighfar, de la demande de pardon. Ce hadith-là que nous verrons bi'idhnillah au prochain cours, tout seul. Donc, puis par la suite, il nous cite le hadith de Thauban. Donc ici, le hadith de Thauban, radiyallahu anhu, qui a dit, lorsque le messager d'Allah, sallallahu alayhi wa sallam, quittait la prière, il implorait trois fois le pardon d'Allah et disait « Ô Allah, tu es la paix et de toi émane la paix. Que ton nom soit béni, ô toi le digne de magnificence et de bonté. Allahumma anta salam wa minka salam tabarakta ya dhal jalal wal ikram. » Et Al-Awza'i, donc qui est un des rapporteurs du hadith, a été questionné. Comment faire la demande de pardon? Car dans le hadith, Thauban cite que le professeur Sam faisait la demande de pardon sans citer la formule qu'il disait. Il a répondu, rahimahullah, en disant Astaghfirullah, Astaghfirullah. Donc dans ce hadith, nous avons une des sunnahs qui est à accomplir lorsqu'on sort de la prière. Donc après le taslim, directement, qui est le fait d'implorer le pardon d'Allah subhanahu wa ta'ala trois fois. Astaghfirullah, Astaghfirullah, Astaghfirullah, awa out. Parmi les sagesses qu'il y a dans cela, donc parmi les sagesses qu'il y a dans le fait d'invoquer, d'implorer le pardon d'Allah subhanahu wa ta'ala juste après la prière, donc alors que la personne sort d'une obéissance, sort d'un acte d'adoration. Donc ici, le fait que la prière de chacun, donc chaque personne n'est pas à l'abri de manquements dans sa prière, comme période d'insouciance, de rafla, ou bien de waswas qui peuvent le prendre pendant la prière, ou bien des manquements dans l'accomplissement de certains piliers de la prière, comme le rukou, le sujoud, le qiyam ou autre. Donc, ici, le croyant, après avoir fini la prière, accourt en premier lieu à implorer le pardon d'Allah subhanahu wa ta'ala pour les manquements qu'il a pu avoir dans sa prière. Donc en disant « Astaghfirullah, Astaghfirullah, Astaghfirullah ». Et le fait de voir ce hadith et de voir cet acte-là qui est à faire après la prière nous montre l'étonnement qu'on peut avoir d'une personne qui peut être pris d'orgueil ou bien de vanité pour les actes d'adoration qu'elle accomplit pour Allah subhanahu wa ta'ala. Donc celui qui prie, ou jeûne ou autre, qui sort de sa prière et est fier de son adoration, ou bien cela le pousse à avoir de l'orgueil, ou bien de la vanité, ou à penser qu'il est mieux que autre parmi les adorateurs d'Allah subhanahu wa ta'ala, cela montre ou bien ne peut provenir que de l'ignorance de la personne. Cela ne peut provenir qu'une personne qui est ignorante. Premièrement, ignorante de l'immensité d'Allah subhanahu wa ta'ala, de l'immensité de celui qu'elle adore, subhanahu wa ta'ala. Deuxièmement, qui est ignorante de l'état de sa propre personne. Car il est comme tout être humain, indigent et plein de manquements. Donc ce hadith-là lui rappelle cela. Mahma ijtahadta fi ibadatik, labud an takuna naqisa. Quels que soient les efforts que tu vas faire dans ton adoration, dans le fait de te rapprocher d'Allah subhanahu wa ta'ala, tu seras un manquement. Li'annaka khuliqta min naqs, car tu as été créé imparfait. Donc tes actes ne peuvent être qu'imparfaits. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam, qui est la meilleure des créatures, qui est atqa al-ibad lillahi azza wa jal, donc qui est le plus pieux des serviteurs d'Allah subhanahu wa ta'ala, lorsqu'il finit sa prière, il demande pardon à Allah trois fois, sallallahu alayhi wa ala alihi wa sallam. Idan, ala tafkirun l'insan, donc dans cela il y a un rappel pour l'être humain, quant au fait que quels que soient les efforts qu'il peut faire pour parfaire ses adorations, alors il aura toujours des manquements et il sera constamment indigent dans le besoin d'Allah subhanahu wa ta'ala. Cela lui permet d'être préservé, comme cité, de beaucoup de maladies, comme l'orgueil, la vanité, et aussi adria, le fait de faire de l'ostentation. Car ce qui va pousser la personne à faire de l'ostentation, c'est qu'elle pense que ses œuvres sont bonnes, sont acceptées. Alors que s'il sait que ses œuvres sont imparfaites, incomplètes, bien au contraire, plutôt que de vouloir les montrer, il voudra les cacher. Plutôt que de vouloir les montrer, il voudra les cacher. Non. Wa al-muwaffiqu al-muwaffaqu man waffaqahu Allah subhanahu wa ta'ala. Donc celui qui atteint la réussite n'est que celui à qui Allah l'accorde. Puis, après avoir dit Astaghfirullah, Astaghfirullah, Astaghfirullah, il continue son invocation par sa parole. Allahumma anta salam wa minka salam tabarakta ya dhal jalali wal ikram. Ô Allah, tu es la paix et de toi émane la paix. Que ton nom soit béni, ô toi le digne de magnificence et de bonté. Donc, à travers cela, le serviteur atteste de la perfection d'Allah subhanahu wa ta'ala. Anta salam, alladhi salima min al-uyub wa al-naqais. Celui qui est exempté et préservé de tout défaut et de tout manquement. Voilà chèque que le fait qu'Allah subhanahu wa ta'ala soit préservé de tout défaut et de tout manquement implique le fait de lui affirmer subhanahu wa ta'ala toute perfection absolue de tout point de vue subhanahu wa ta'ala. Fa Allahu wa salam, parmi les noms d'Allah subhanahu wa ta'ala, as-salam, celui qui est préservé et qui est exempté de tout défaut et de tout manquement subhanahu wa ta'ala. Donc à l'inverse, on lui affirme subhanahu wa ta'ala toute perfection. Et donc, anta salam wa minka salam. Donc, et de toi émane la paix. Donc, le serviteur affirme aussi que tout salut et toute paix qu'il peut obtenir, alors cela n'émane que de lui, subhanahu wa ta'ala, que d'Allah, subhanahu wa ta'ala. Donc, qu'il se dirige vers lui dans ses adorations et qu'il le remercie lui seul, subhanahu wa ta'ala, en l'adorant lui seul, car il est le seul qui peut procurer au serviteur la paix et le salut. Puis il continue ses éloges par le fait d'affirmer les immenses bienfaits d'Allah subhanahu wa ta'ala, tabarakta, et alladhi kathura khayruhu subhanahu wa ta'ala wa 'azuma. Donc celui dont les bienfaits sont immenses, dont le bien est immense, dont les bénédictions sont immenses, subhanahu wa ta'ala, et qu'il fait parvenir et qu'il accorde à ses serviteurs, subhanahu wa ta'ala. Hadha, wallahu a'lam, wa nas'alullaha subhanahu wa ta'ala bimannihi wa karamihi أن يعفو عنا وأن يتوب علينا. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. اللهم آت أنفسنا تقواها وزكيها، أنت خير من زكاها، أنت وليها ومولاها. ربنا إننا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. وسبحانك اللهم وبحمدك، ونشهد أن لا إله إلا أنت، ونستغفرك وأتوب إليك. وصلي اللهم وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين والحمد لله رب العالمين والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.